me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment un discours comme celui de Freud a-t-il pu émerger et se construire à la fin du 19e siècle, demande le psychanalyste Roland Gory. Comment la psychanalyse répond-elle à la crise de civilisation qui accompagne la seconde révolution industrielle en revalorisant les singularités concrètes et les récits des vies intimes? Pourquoi la fascination fin de siècle pour les démons de l'hystérie et que disent ces démons du monde moderne? Comment ne pas entendre dans l'œuvre freudienne l'écho des scènes sociales de l'époque, de la fin du 19e siècle, et comment ne pas être tenté d'éclairer ces mêmes scènes sociales par les concepts freudiens, demande encore Roland Gory. Y a-t-il eu un effet grande guerre sur la psychiatrie française, demande en deuxième partie pour sa part Isabelle von Bölsings-Löwen, professeure d'histoire et de sociologie de la santé à l'université Lumière Lyon 2. La Première Guerre mondiale est-elle ce trou noir de l'horizon de la psychiatrie et la consultation des archives et des auteurs oubliés peut-elle ouvrir de nouvelles perspectives? Quelles sont les retombées de la Grande Guerre sur la nosologie psychiatrique, demande-t-elle encore? Comment l'expérience du conflit a-t-elle pu renforcer la redéfinition du périmètre de l'assistance psychiatrique? Et comment la théorie de la prédisposition a-t-elle pesé sur la prise en charge des traumas, des blessures psychiques de la Grande Guerre? Et quelles en ont été les conséquences sur l'attribution des pensions de guerre? Depuis la semaine passée, nous vous proposons de larges extraits du colloque donné à l'automne 2014 au Collège de France sous le titre « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres ». Dans cette perspective, le Collège de France a invité ses professeurs et différents chercheurs dans une approche interdisciplinaire sur la question des répercussions sur le long terme de la Première Guerre mondiale. Avant de nous demander en deuxième partie si la psychiatrie française a été une parenthèse dans l'histoire de la Grande Guerre, nous retrouvons tout de suite au Collège de France le 17 octobre 2014 Roland Gory, professeur émérite de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille. Le psychanalyste s'interroge si l'émergence de la psychanalyse est un fait de civilisation. Comment un discours comme celui de Freud a-t-il pu émerger et se construire à la fin du XIXe siècle? Quelles sont les conditions sociales et culturelles qui ont rendu possible l'existence de ce nouveau savoir et de ces nouvelles pratiques? S'interroger sur les formes de pouvoir qui conditionnent l'émergence de nouveaux concepts ou de nouvelles méthodes en psychiatrie, en psychologie, c'est reconnaître que ces concepts et ces méthodes s'articulent à des formes culturelles, s'articulent à des pratiques sociales. À la fin du XIXe siècle, à l'âge des machines et de l'urbanisation, les nouvelles manières d'éprouver et de sentir conduisent l'individu à chercher toujours davantage en lui-même les normes et les finalités de ses actions. On peut dire que la psychanalyse a constitué la forme la plus aboutie de cette anthropologie. Alors, j'ai parlé d'émergence, et je préfère le terme d'émergence plutôt que de naissance. L'émergence, comme vous savez, c'est le point d'où sort, par exemple, un rayon lumineux ou le point d'où sort la source de la Terre, parce que les idées de la psychanalyse étaient dans l'air du temps à la fin du 19e, mais encore fallait-il une méthode mise en acte dans une pratique clinique pour les transformer en concepts. Et puis encore fallait-il que Freud rencontre Charcot et une certaine façon d'écouter les hystériques. Je préciserai aussi qu'avec Bourdieu, que les conditions d'émergence sont des conditions favorisantes. Ce ne sont pas des conditions nécessitantes. Freud, on le sait, est venu à Paris rencontrer Charcot. Charcot, spécialiste de la méthode anatomoclinique de l'axe cérébrospinal, et Freud découvre un clinicien passé maître dans l'art de faire apparaître et disparaître les symptômes. Charcot, donc, l'homme de la raison scientifique, se révèle aussi un artiste, un visuel, capable de diagnostiquer des formes cliniques, des tableaux pathologiques, qu'il mettait d'ailleurs en correspondance avec les tableaux des peintres et des sculpteurs. Ce savant, donc, qui croise, si vous voulez, la route des arts, n'est pas sans rappeler, justement, le propre cheminement de Freud. Et la question que je pose, donc, c'est, au-delà de ces personnages célèbres, ne sommes-nous pas ici face à un problème de civilisation? C'est-à-dire que la psychanalyse pourrait, c'est mon hypothèse, émerger au moment d'un changement de paradigme culturel, c'est-à-dire à un moment où, dans la civilisation des mœurs, on cherche, dans la sensibilité des arts, les fondements d'une autorité que la seule raison scientifique ne parvient plus à garantir. Cette révolution symbolique que fut l'émergence de la psychanalyse se révèle contemporaine de la crise du libéralisme à Vienne et de ses contradictions sociales en Europe. Alors, je prends appui, tout au long de mon travail, sur les travaux de Karl Schork, qui écrit par exemple dans « Vienne, fin de siècle », « La culture libérale croyait à l'homme rationnel qui, par la science, se rendrait maître de la nature et par la morale, maître de lui-même, deux conditions nécessaires à la création d'une société juste. » Donc, vous voyez, Karl Schork, le premier, a montré comment l'intérêt pour la psyché, qui fut dans l'esprit de l'époque, se révéla indissociable d'un désastre, et je le cite encore, celui de la débâcle du libéralisme qui transforma l'héritage esthétique en une culture de la sensiblerie, un hédonisme tourmenté et souvent une folle angoisse. On le sait, à Vienne, après l'échec des austro-libéraux, désireux de mettre en œuvre un programme politique fondé sur l'ordre rationnel du progrès social, sur une morale de responsabilité, espérant aussi une éradication de la misère par la science et la culture, un nouveau style de civilisation des mœurs voit le jour. Le libéralisme moderne installé au pouvoir depuis plus de 20 ans vacille face à la montée des mouvements populistes, nationalistes et antisémites. L'année 1895 ne fut pas simplement la date de parution des études sur l'hystérie de Breuer et de Freud. 1895, ce fut aussi celle qui permit au virulent tribun antisémite Karl Lueger de gagner les élections municipales à Vienne. Donc, vous voyez, c'est à cette époque que les forces irrationnelles, les violences de masse, nationalistes, populistes, antisémites, ressurgissent avec une passion terrible, inédite, emportant avec elle le ciel du progrès, sa croyance dans les principes d'un gouvernement libéral par le droit et la raison. Donc je crois que la découverte freudienne, elle est vraiment contemporaine, au sens de Nietzsche, elle est contemporaine de ce nihilisme de la fin du XIXe siècle. Le sujet psychologique, fabriqué par la psychanalyse, émerge de ces nouvelles formes de sensibilité sociale et politique, de ce que Claudine Haroche nomme la condition sensible. À la fin du XIXe, les attentes collectives de ce que René Raymond appelait les sociétés juxtaposées, les attentes collectives de ces sociétés juxtaposées, exigent de nouveaux discours collectifs et individuels, exigent de nouveaux récits. Et je crois que l'émergence de la psychanalyse s'inscrit dans ce contexte-là. L'émergence de la psychanalyse est contemporaine de cette crise de civilisation des mœurs qui accompagne la deuxième révolution industrielle et les mouvements sociaux qu'elle suscite. Et à sa manière, on peut dire que la psychanalyse constitue une sorte de réponse à cette crise produite par une contradiction entre un idéal libéral d'autonomie individuelle et puis un système primitif qui est le système de l'usine, des manufactures, qui réduisent les hommes, les femmes et les enfants à de simples automates. La psychanalyse, donc, si vous voulez, répond à cette crise en revalorisant, par exemple, les singularités concrètes, les récits de vie intime, et puis en fabriquant, avec Freud, un nouveau concept, c'est celui de scène psychique, où se produit un conflit donc, entre l'automatisme de répétition et la liberté du désir. Donc, la psychanalyse, d'une certaine manière, offre, par ses concepts et sa méthode, une espèce de sortie anthropologique, si vous voulez, d'une contradiction, contradiction entre l'idéal de liberté et la réalité d'une servitude. Le conflit entre les nouvelles normes sociales et techniques qui quadrillent les populations et l'éloge d'une liberté héritée du discours des Lumières met en crise finalement un cadre de pensée. Et d'une certaine façon, on peut dire que la psychanalyse renouvelle la possibilité de cette pensée. Tout concourt à la fin du XIXe siècle à mettre en doute le libre arbitre de l'individu dans la conduite de ses actes et de ses pensées. L'industrie, je l'ai dit, réduit les hommes, les femmes et les enfants à des automates. La neurophysiologie met en évidence une motricité involontaire, l'inconscient cérébral cher à Gaucher, la contagion affective des foules, l'épidémie psychique de leurs émotions est aussi une des préoccupations majeures de l'époque. On se souvient aussi de Le Bon insistant sur les automatismes justement des foules. L'ombre de la terreur et de la commune hante l'ensemble des capitales européennes. Non seulement la paupérisation des masses illustre l'aliénation des citoyens à l'automatisme des machines, mais plus encore même, comme Alain Corbin l'a montré, le rythme des vies individuelles se plie toujours davantage aux normes sociales. Le temps cesse d'être scandé par la nature ou les coutumes religieuses. La normalisation des individus est en marche, parfois d'ailleurs au nom de leur protection sociale et juridique. La médicalisation de l'existence est en marche. L'hygiène publique devient une morale et une pédagogie des conduites permettant toujours davantage la surveillance et la normalisation des individus et des populations. Donc, vous voyez, au moment où émerge la psychanalyse, la prolétarisation du citoyen s'accroît toujours davantage, venant contredire donc, de fait, les principes libéraux d'autonomie de la volonté. Donc, les principes et les idéaux de responsabilité morale, de raison critique du citoyen, donc héritier des Lumières. Les promesses d'émancipation sociale individuelle que contenait l'anthropologie libérale sont en crise un peu partout en Europe du fait de la misère matérielle et symbolique des masses. Le cadrage normatif des mœurs accroît le sentiment de contrainte et d'uniformité, mais en même temps apparaît l'angoisse sociale qui s'installe dans ce que Zimmel appelle l'indifférence des grandes villes, c'est-à-dire une forme euphémisée de la haine. Dans la dernière partie de ce XIXe siècle, au moment où émerge la psychanalyse, des voix se font entendre en France comme en Allemagne pour dénoncer qui la régression culturelle, qui l'ébranlement des valeurs familiales et nationales, qui la dissociation sociale et la paupérisation des masses, etc. L'accroissement prodigieux des richesses, les progrès techniques et scientifiques n'éradiquent pas la pauvreté, mais l'aggravent. C'est ça le constat. La conjonction paradoxale de la misère du plus grand nombre et de l'accroissement des richesses collectives affecte à la fois la politique et la science et leurs promesses d'émancipation. Donc, vous voyez, la grande question, c'est les droits politiques de liberté et d'égalité portés par l'anthropologie libérale, qu'est-ce que c'est sans les droits sociaux? Est-ce que la citoyenneté s'arrête aux portes de l'usine? C'est ce défi qui est lancé aux gouvernements libéraux et à leurs politiques face aux nouvelles exigences de la révolution industrielle. Et en France, vous le savez, c'est ce message qui est porté en boucle dans les conférences de Jaurès, dans tous les discours de Jaurès. La Troisième République, notamment la dernière décennie, comme vous savez, tente en partie de répondre, n'est-ce pas, par des lois de protection sociale à ce défi. Mais il l'empêche, et c'est ce point sur lequel je voudrais insister, il l'empêche l'autonomie de la volonté, c'est un concept juridique aussi, l'autonomie de la volonté ne suffit plus à faire lien social. J'ose devant M. Antoine Compagnon parler de Brunetière, mais Brunetière, n'est-ce pas, a beau jeu de dénoncer, aussi bien dans la revue des Deux Mondes que dans le Figaro, n'est-ce pas, je le cite, les progrès de l'industrie qui sont ceux de la science et qui ont créé dans le monde entier des formes nouvelles de misère plus aiguës, plus intolérables. Et ce n'est pas Brunetière simplement, c'est tout un courant d'opinion qui, de la droite la plus conservatrice, n'est-ce pas, jusqu'à la gauche socialiste la plus radicale, reproche à l'industrie, mais autant aussi à la science, n'est-ce pas, d'avoir failli dans leurs projets et dans leurs prétentions à administrer et à émanciper l'homme, administrer scientifiquement l'homme, Renan, vous vous souvenez, milieu 19e. Donc la liberté de décider, la liberté de se gouverner par sa raison et par sa morale s'avère une illusion. Alors, qu'est-ce qui gouverne la conduite lorsque, émancipé de la tutelle des autorités traditionnelles, de la religion, n'est-ce pas, l'autonomie de la volonté ne suffit plus pour faire lien social. La question de savoir ce qui donc fait agir l'individu devient moralement, psychologiquement et politiquement cruciale lorsque vacille la légitimité des principes qui fondaient le gouvernement libéral. Et c'est là où apparaît Freud. Freud déplace le lieu où se prend la décision. C'est plus du côté de la volonté, c'est plus du côté de la raison. Le lieu où se prend la décision pour gouverner une conduite, ça s'appelle la scène de l'inconscient. Et bien sûr, ça répond à un constat que l'on fait à la fin du XVIe, c'est que le sujet n'est pas davantage uni et unifié que ne l'est la société, que ne l'est le corps humain ou la matière. Les entités traditionnelles que l'on croyait jusque-là unies et indivisibles se fragmentent, les frontières du visible sont modifiées, traversées, recomposées par les nouvelles techniques de l'image, bien sûr. Durkheim et Tard dans le champ social montrent aussi une décomposition qui affecte ce principe d'une autonomie de la volonté. Donc, cette autonomie de la volonté que l'on a écrue jusqu'à la fin du XIXe être source de droit, productrice et justification des lois et des contrats, elle disparaît, et la thèse de Gounod en 1912 marque, pourrait-on dire, n'est-ce pas, l'enterrement de ce principe juridique, qui est le principe de l'individualisme juridique. Dans l'élaboration du contrat de travail, les parties ne sont nullement à égalité de liberté. La sociologie naissante participe aussi à cette remise en cause d'un lien social conçu comme un accord de volonté individuelle. Donc, vous voyez, au moment où la psychanalyse émerge, l'autonomie de la volonté se révèle dans le droit, les sciences et la politique comme étant une illusion. Mais c'est justement ce que tous les jours, chez Charcot, à la Salpêtrière, l'hystérique montre, démontre. Vous le savez aussi, ce 19e siècle qui ne cesse d'affirmer la souveraineté de la science, de la raison, s'abandonne au même moment à l'irrationnel le plus loufoque. Le public se passionne pour les présentations d'hystériques, bien sûr, pour les somnambules magnétiques, les spirites, les médiums, les possédés de morzine, les guérisons miraculeuses et les apparitions mariales. Charcot attire un public nombreux à la Salpêtrière. Il a rendu à l'hystérique sa dignité, il a arraché à l'opprobre social dont elle était l'objet. Elle cesse, grâce à lui, d'être une simulatrice. Elle devient une malade qui, à la suite d'un trauma, souffre d'une lésion fonctionnelle du système nerveux, l'exposant à la suggestion par le moyen de laquelle, n'est-ce pas, apparaissent et disparaissent des symptômes. Les hystériques, par leur passion magnétique, leur amour, si vous préférez, exhibent le pouvoir d'influence des médecins aussi, qui les transforment en automates. L'hystérie n'est plus l'apanage du sexe féminin. Les hommes aussi sont hystériques, de préférence prolétaires, accidentés ou vagabonds. Avec Charcot, les cliniciens se penchent aussi sur l'intimité des patients, sur leur histoire, privée aussi bien que publique, sur leur rapport au sexe et à l'autorité, une forme de récit, n'est-ce pas, au sens de Benjamin de l'article de 1936. Charcot fut incontestablement un passeur qui mit Freud sur le chemin de sa découverte et qui, grâce à cette compagne originelle de la psychanalyse, qui a toujours été l'hystérie, le conduit à reconnaître l'existence d'un autre en chaque sujet. Donc vous voyez, par rapport au défi, justement, de l'autonomie de la volonté, l'autonomie de la raison, la responsabilité individuelle, le discours des Lumières pour aller très vite, le discours d'émancipation, là, on reconnaît la fragmentation du sujet, mais on reconnaît en lui qu'il y a un autre. Un autre qui n'est pas le diable, même si, en permanence, dans tous les textes, n'est-ce pas, il en évoque constamment la présence démoniaque. L'hystérie évolue avec son temps. À la Salpêtrière, l'hystérie montrait à un large public que le sujet libéré, émancipé, n'est-ce pas, se trouve agi, contrôlé, manipulé par un autre. Dans le miroir des hystériques, le libéralisme pouvait contempler l'image de sa défaite. Le sujet, on le voit bien, bon, j'ai pas amené, j'ai eu tort, j'ai pas amené de reproduction, mais on le voit bien, n'est-ce pas, chez Charcot, les hystériques agissent comme des automates, n'est-ce pas, sous la suggestion du maître. Ce clivage de la conscience, cette division du sujet dont Freud va conceptualiser les lois, est dans l'air du temps. C'est le point qui me paraît très important. Pierre Janet montre dans sa thèse sur l'automatisme psychologique que, je le cite, « la conscience peut exister sans aucun jugement, c'est-à-dire sans intelligence. L'homme peut sentir et ne pas comprendre ses propres sensations. L'individu peut être double, voire multiple. C'est l'époque des personnalités multiples, n'est-ce pas ? C'est à la mode. L'individu n'est pas davantage uni que ne l'est le corps social. La raison individuelle n'est pas raisonnable. En cette fin de siècle, les hystériques, les possédés, les illuminés, les spirites et autres psychistes s'empressent d'en faire la démonstration. Une bonne partie de nos états psychiques existent sans que nous en ayons conscience, intelligence et compréhension. C'est donc le champ de la suggestion. C'est-à-dire, la suggestion, c'est quoi ? C'est l'influence sociale. L'influence sociale qui se trouve donc au centre des préoccupations aussi bien cliniques que sociales. Janet les décrit, Freud les explique. Alors, comment comprendre cette passion des médecins, des savants, des romanciers et des politiques pour l'hystérie, l'hypnose, le somnambulisme, le spiritisme, etc., dans cette fin de siècle ? Si ce n'est que justement, au-delà des phénomènes, bien souvent empruntés à notre âge, au Moyen-Âge, pour aller vite, dont on ne voulait plus, ces symptômes exhibés font signe de civilisation. Ces symptômes viennent dire le malaise d'une culture au sein de laquelle les médecins, tout en prenant le relais politique et orthopédique des prêtres autant que des sorciers, révèlent leur impuissance à en éradiquer durablement les épidémies. C'est donc une faille dans le savoir comme une faille dans le droit qui maintient ouverte une question, qui est une question aussi bien psychologique que politique. Comment parvenir à fonder un gouvernement de soi, un gouvernement des autres, lorsque l'esprit se révèle fragmenté, clivé, dissocié, pris dans des automatismes multiples et ouvert à toutes sortes d'influences. Alors, si on veut bien comprendre en quoi la différence de Charcot-Bernheim ou Janet, Freud rétablit d'une certaine manière, parce que je pense que c'est ça le geste qui est important, rétablit d'une certaine manière le sujet dans sa souveraineté, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Eh bien, il nous faut revenir à la question de la possession. C'est-à-dire à la fois ce sujet destitué, si vous voulez, dans sa souveraineté du point de vue de la volonté, de la raison, vous allez le voir réapparaître, n'est-ce pas, d'une autre façon. Alors, il réapparaît, si nous prenons par exemple la question de la possession, dans la possession, c'est le possédé lui-même qui se donne au diable. Telle est la thèse de Freud. Donc, il est restitué en quelque sorte dans ses prérogatives. Freud écrit « Pour nous, les démons sont les désirs mauvais, réprouvés, découlant d'impulsions repoussées, refoulées. Nous écartons simplement la projection que le Moyen-Âge avait faite de ses créations psychiques dans le monde extérieur. Nous les laissons naître dans la vie intérieure des malades où elles résident. » Et lorsque, ultérieurement, en 1923, il analyse une névrose démoniaque au XVIIe siècle, il précise les choses dans ce sens. La croyance du peintre Eismann d'être possédé provient de son propre besoin de se donner au diable. Pourquoi ? Pour apaiser la souffrance du deuil de son père. Donc le délire de possession est une tentative d'auto-guérison. La chose est d'importance puisque Freud restitue le sujet, encore une fois, dans ses prérogatives. C'est encore et toujours le sujet qui se donne psychiquement au diable pour exorciser la souffrance d'une perte inconsolable. Il ne sait pas qu'il décide. Il n'est plus dans la décision de la volonté ou de la raison. Il ne sait pas qu'il décide, mais quand même, il décide. Et donc la chose est, pour moi, anthropologiquement et politiquement essentielle. L'autonomie de la volonté du sujet peut se défaire, elle est sauvée, mais elle est sauvée en devenant inconsciente. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la volonté inconsciente. La psychanalyse, donc, constitue un nouveau type de savoir, une nouvelle figure de pensée, pour reprendre le thème du colloque, susceptible d'éclairer les énigmes d'un sujet raisonnable, qui travaille quand même contre lui-même, en aliénant sa liberté et sa volonté. Ce sujet qui travaille contre lui-même ouvre donc paradoxalement à la reconnaissance d'une autre force, force souterraine, force souveraine, que Freud nomme d'abord contre-volonté. Mais la contre-volonté, c'est encore une volonté, comme un contre-torpilleur et encore un torpilleur. La notion de contre-volonté apparaît dans un tout premier texte de Freud, 1892-1893, où il relate ses mésaventures avec une jeune patiente. Jeune patiente qui voulait allaiter son enfant et qui en était empêchée par un certain nombre de symptômes hystériques, vomissements, etc. Malgré un remarquable résultat, dit Freud, dû à l'hypnose, il constate avec amertume et étonnement que ni la patiente ni l'entourage ne lui sont reconnaissants de la guérison. L'histoire se répète à chaque fois, parce qu'elle a plusieurs grossesses, et à chaque fois l'hypnose guérit les mêmes symptômes, mais à chaque fois la patiente se montre insatisfaite du succès du traitement. Alors, pour finir, elle avoue à Freud, « J'ai eu honte, me dit cette femme, de voir que quelque chose comme l'hypnose, c'est-à-dire l'influence sociale, hein, que l'hypnose pouvait être utile là où moi, avec toute ma force de volonté, j'étais impuissante. » Il y a, chez la patiente, postule Freud, des représentations contraires à la volonté du sujet qui décide pour lui, qui dissocie sa conscience et entrave ses projets. Il y a donc un autre sujet dans le sujet qui gouverne, un autre lui-même dont il convient de tenir compte dans la clinique et la politique. Donc chassé par la crise de la pensée libérale, le sujet fait retour, mais il fait retour dans un statut d'inconscient. Et je crois que là, le lien politique et psychique qui commence à s'imposer à ce moment-là ne va plus disparaître du champ culturel pendant au moins un siècle. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le débat. À la fin du XIXe siècle, la psychologie nouvelle fait de l'individu, dit moderne, un flâneur, n'est-ce pas, Benjamin, bien sûr, un épuisé, un agité, un dégénéré, un surmené nerveusement, Max Nordau, par les excitations de la grande ville. Alors, comment restituer à ce sujet malmené par la révolution industrielle, les automatismes, et par l'agitation des grandes villes, une part de sa liberté? Comment concilier donc la normalisation imposée par les automatismes et le désir d'émancipation de l'individu au moment où vacillent justement les principes d'autonomie de la volonté? La solution freudienne consiste pour moi dans la création d'une nouvelle réalité, réalité psychique, lieu au sein duquel s'affrontent justement les entités multiples qui constituent le sujet. Cette réalité psychique s'exprime dans une clinique de transfert qui explique le pouvoir d'influence attribuée à un autre, tout comme le transfert explique la formation du rêve ou des symptômes. Qu'est-ce que le transfert? Je voudrais attirer l'attention pour essayer de montrer ensuite l'éclairage réciproque entre la scène psychique et les scènes sociales. Qu'est-ce que le transfert si ce n'est, sur la scène psychique inventée par Freud, l'affrontement des automatismes de la répétition et la force de désir des puissances de vie qui cherchent à créer du nouveau? Par exemple, dans le cas d'Aura, publié en 1905, Freud formule un peu cette rencontre du déterminisme, si vous voulez, de la répétition. On verra que c'est essentiel pour la question de la guerre. Hein. Déterminisme de répétition, et puis la liberté de désirer. Il écrit que sont les transferts, ce sont de nouvelles éditions, des copies, des tendances et des fantasmes qui doivent être éveillés et rendus conscients pour les progrès de l'analyse, et dont le trait caractéristique est de remplacer une personne antérieurement connue par la personne du médecin. Et il ajoute, et le point est très important pour la clinique des névroses de guerre, la clinique du trauma. Il y a des transferts qui ne diffèrent en rien de leur modèle quant à leur contenu, à l'exception de la personne remplacée. Ce sont donc, en se servant d'une métaphore, de simples rééditions stéréotypées, des réimpressions. D'autres transferts sont faits avec plus d'art, ce sont alors des éditions revues et corrigées, et non plus des réimpressions. Donc vous voyez, le transfert, il y a une très belle phrase de Breton aussi, hein, à propos de la rencontre amoureuse, mais je crois que le transfert, ça n'est rien d'autre que la vérité de l'amour, c'est de l'amour vrai, c'est comme si je m'étais perdu et qu'on vint tout à coup m'apporter de mes nouvelles. Donc vous voyez, la possibilité, c'est aussi une question, peut-être qu'on pourra parler dans le débat, c'est à cet âge d'une discordance des temps, on reprend une formule de Charles, n'est-ce pas, à ce moment-là, Freud propose de se saisir en quelque sorte du permanent à partir du fugitif, du transitoire, du contingent. Donc il y a là une pensée qui est extrêmement importante. Donc le transfert ne procède pas seulement de la compulsion à répéter des modèles du passé, il est aussi création, correction, réimpression, revue et corrigée, imposée par Eros. Donc la nécessité se saisit des occasions de l'actuel pour révéler, encore une fois, des désirs anciens plus secrets. Et c'est précisé donc autour des textes extrêmement importants autour de 1914-1915 par Freud, le transfert, c'est une manière de se rappeler certains événements sans en avoir le souvenir. Il écrit « Ce n'est pas sous forme de souvenir que le fait oublié est reparé, mais sous forme d'action. Le malade répète évidemment cet acte sans savoir qu'il s'agit d'une répétition. » À partir de quoi, encore une fois, tout événement récent fournit au sujet l'occasion d'avouer ses pensées refoulées en tant qu'elles représentent l'oublié. Donc, il y a quelque chose qui crée du nouveau. Et quand il n'y a pas du nouveau, alors c'est ce qui se produit avec la clinique du trauma, quand il n'y a pas du nouveau, il y a saisie arrêt sur l'image. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour l'imprévu, le hasard, le contingent, l'indéterminé. Donc il y a des contraintes qui, à un moment donné, ont fait trauma et ont obligé l'individu à s'adapter, mais à s'adapter au prix de perdre sa faculté de créer du nouveau, de créer de l'imprévu, de créer de l'indéterminé. Alors comment ne pas entendre dans l'œuvre freudienne, justement, l'écho des scènes sociales de l'époque, ce qui se passe tout simplement dans la rue, ce qui se passe sur les lieux professionnels, comment ne pas tenter d'éclairer en même temps ces mêmes scènes sociales par les concepts freudiens. Face à tous les automatismes qui déterminent l'individu, biologiques, psychologiques, sociaux, Freud confie au désir le soin de sauver le sujet, de sauver sa singularité, de préserver sa part d'imprévisible, tout en lui permettant d'être adapté. Mais s'il n'est qu'adapté, il perd cette singularité, il perd cet imprévisible. Or, l'adaptation, c'est, si vous voulez, je dirais, le résultat même aussi des automatismes. L'autonomie, donc, se voit déplacée, elle passe du champ de la volonté à celui du rêve et de l'amour, c'est là où peuvent se créer de l'imprévu, de l'indéterminé. Et quand cette voie de l'amour et du rêve est barrée, ce qui advient, c'est la mort, la destruction, l'automatisme, la pure répétition du trauma. Dans le sillage de la guerre totale, industrie des techniques de mort, dans ce sillage de l'horreur organisée des automatismes de masse, la psychanalyse rencontre à l'échelle collective les échecs et les impasses que sa pratique avec des individus lui offre. Une force de mort peut, dans certains cas, prévaloir sur la liberté de désirer. Une nécessité de s'adapter peut vaincre et terrasser, n'est-ce pas ? Et une résistance masochiste inexpugnable, n'est-ce pas, peut s'installer. Freud nomme pulsion de mort ce besoin d'autodestruction. Et la guerre offre, en quelques semaines, ce spectacle. Hier, on a évoqué la phrase de Freud d'août 1914, donnant sa libido à l'Autriche. 3 mois après, voilà ce qu'il va dire. N'est-ce pas ? Ça va être tout à fait un autre discours. La guerre a offert, en quelques semaines, le spectacle d'une désolation, d'un néantissement par la technique de l'humanité de l'homme. La victoire de l'automate sur le vivant a été accomplie. Il y a eu ces arrêts sur l'image. N'est-ce pas ? L'avenir est barré. Et vous prenez le texte de Freud de 1915, écrit donc à la fin 1914, et là, le ton a totalement changé. Freud révèle ce qu'il appelle un sentiment de désillusion face à la cruauté de la guerre. Cette désillusion, écrit Freud, résulte de la faible moralité des États comme des individus civilisés dont on les croyait incapables puisqu'ils participaient de la plus haute civilisation. Le ton radicalement changé. Freud évoque ces pulsions d'autodestruction qui œuvrent au sein du psychisme, mais comme elles œuvrent aussi au sein de la société. La correspondance avec Einstein, n'est-ce pas, 20 ans plus tard, va renouveler cette affligeante constatation. Mais cette fois, c'est Einstein lui-même, d'ailleurs, qui va la formuler. Il y a dans l'humain une force de destruction qui le pousse à se détruire autant qu'à détruire. Donc, aujourd'hui, je terminerai là-dessus, aujourd'hui encore, ce pessimisme freudien de considération actuelle sur la guerre et la mort est plus que jamais d'actualité, aujourd'hui. Freud écrit « Des réflexions qui précèdent, nous pouvons déjà tirer cette consolation qu'était injustifiée notre affliction et notre douloureuse désillusion face aux comportements non civilisés dont font preuve durant cette guerre ces citoyens du monde que sont nos concitoyens. » Le temps a changé, hein. « Ces citoyens du monde que sont nos concitoyens. » Elle reposait sur une illusion à laquelle nous étions laissés prendre. En réalité, ces derniers ne sont pas tombés aussi bas que nous le craignions, car ils ne s'étaient pas du tout élevés aussi haut que nous l'avions cru. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté Roland Gory, l'émergence de la psychanalyse, un fait de civilisation. Et tout de suite, nous retrouvons l'historienne Isabelle von Bötzig-Löwen. Y a-t-il un effet grande guerre sur la psychiatrie française ? Existe-t-il, donc, y a-t-il eu un effet grande guerre sur la psychiatrie française ? Alors, il me semble que répondre à cette question, ou simplement la poser, suppose de revisiter l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle, et peut-être même l'histoire de la psychiatrie tout court, ou plus précisément de s'interroger très précisément sur la fabrique de cette histoire. Alors pour faire vite, et puis de façon vraiment très caricaturale, parce qu'il existe évidemment des écarts et des décalages chronologiques plus ou moins importants entre les lectures qui ont pu être faites, la politique de secteur ou de déshospitalisation, dont je rappelle qu'elle a consisté à faire sortir les malades de l'asile pour les laisser vivre dans la communauté grâce à la mise en place de structures de soins extra-hospitaliers et de lieux de vie protégés, était considéré comme un aboutissement, voire comme une fin de l'histoire. Dans cette perspective, le premier XXe siècle faisait en quelque sorte figure de Moyen-Âge. Les asiles, créés par des pères de la psychiatrie auxquels on se référait parfois de façon un peu ambivalente, étant devenus des lieux de ségrégation et même de répression, les psychiatres ayant abandonné toute ambition thérapeutique pour se transformer en gardiens, voire même en bourreaux, faisant en particulier massivement usage de traitements jugés à la fois brutaux et sans efficacité aucune. Et donc c'est la Seconde Guerre mondiale qui aurait paradoxalement permis à la psychiatrie de sortir de cet obscurantisme. Marquée par un drame effroyable, la mort de milliers de malades mentaux internés victimes de la sous-alimentation, elle aurait en effet conduit à une prise de conscience, celle de l'inhumanité du sort fait à ceux que l'on appelle encore les aliénés, et elle aurait ainsi fait figure de creuset, de matrice d'une réforme qui a pu se déployer à partir de la libération. 1945 inaugurerait ainsi la success story de la psychiatrie française, qui serait enfin entrée dans une ère nouvelle, grâce à un groupe de psychiatres progressistes et même visionnaires pour certains, qui, renouant avec la geste libératrice du grand ancêtre Pinel, serait peu à peu parvenu à convaincre, non sans énormément de difficultés, les pouvoirs publics et l'opinion de la nécessité de rompre avec l'enfermement asilaire et de faire évoluer les formes et les lieux de prise en charge des malades mentaux. Grâce à l'introduction de la politique de secteur, formalisée en 1960 dans une circulaire célèbre, ces derniers auraient enfin pu être soignés sans être exclus de la société. Alors, dans cette lecture de l'histoire de la psychiatrie, qui reste une lecture dominante, c'est donc la Seconde Guerre mondiale qui, pour la plupart des auteurs, marque une rupture majeure. Donc, un moment de basculement qui annonce, qui rend possible, qui préfigure et qui détermine tout à la fois les bouleversements à venir. Au contraire, la Grande Guerre, engluée dans cette interminable séquence d'immobilisme, ne fait absolument pas saillie. Elle est un trou noir de la mémoire professionnelle. Et c'est donc le mérite des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale que de l'avoir fait ressurgir dans quelques établissements qui, découvrant la richesse de leurs archives concernant cette période, ont entrepris de la mettre en valeur dans des expositions ou dans d'autres manifestations. Alors, toujours est-il qu'en analysant de façon un peu approfondie les débats qui ont mobilisé et opposé les psychiatres de l'entre-deux-guerres, donc au sein de leurs sociétés savantes, de leurs congrès, de leurs revues, mais aussi au sein de l'Amicale des aliénistes qui préfigure le syndicat des psychiatres des hôpitaux créés à la Libération, mais aussi en analysant de façon un peu approfondie les archives très dispersées des hôpitaux psychiatriques, archives qui permettent de se situer sur le terrain des pratiques médicales et des réalités institutionnelles, celles-ci étant très différentes d'un département à l'autre. Je me suis assez vite et assez naturellement posé la question des répercussions sur la psychiatrie d'un conflit dont tout le monde s'accorde à affirmer qu'il a bouleversé la société française. Je renvoie pour la France aux travaux de Sophie Delaporte. Il est également admis que la Grande Guerre a eu des retombées importantes dans le domaine de la lutte contre les épidémies. C'est pendant la guerre que la France a inauguré la vaccination systématique à grande échelle contre la fièvre typhoïde, celle-ci menaçant de décimer les troupes françaises en 1914-1915, avec plus de 100 000 cas déclarés en 14 mois. Mais aussi de la lutte contre la syphilis et les maladies vénériennes, ou encore contre l'alcoolisme, et plus largement sur les politiques de santé, favorisant l'émergence d'une médecine collective et administrée, pour reprendre les termes employés par Anne Rasmussen, qui avait, il est vrai, déjà trouvé un début de formalisation dans la loi de santé publique de 1902. Des enquêtes récentes, je ne les cite pas toutes, ont également montré que la Grande Guerre avait constitué un moment de mobilisation intense de la neurologie et de la psychiatrie française, les médecins du front, mais aussi ceux de l'arrière, ayant été confrontés dès le début du conflit à de nombreux blessés psychiques qui présentaient des symptômes aussi divers que des contractures et plicatures des membres. On a décrit de nombreux cas de comptocormie, des paralysies partielles ou totales, des amnésies également partielles ou totales, des états neurasthéniques et mélancoliques profonds, de l'apathie, des tremblements intenses d'un ou de plusieurs membres ou de tout le corps, des états confusionnels, de l'agitation, de l'excitation, de l'angoisse, des délires, des mutismes, des surdités ou des cécités, symptômes que l'on a regroupés sous des appellations diverses, commotion, dépression, obusite, pitiatisme, cafard, hypnose des batailles, psychonévrose de guerre, psychose commotionnelle, psychose hystéro-émotive, hystérie de guerre, etc. Alors, le documentaire de Jean-Yves Le Naour et de Grégory Laville, diffusé sur France 3 sous le titre « Quand la Grande Guerre rend fou », permet de se faire une idée très précise de la variété des troubles dont étaient atteints ces soldats, que les médecins ont jugé bon de filmer abondamment, le film prenant ici le relais de la traditionnelle photographie médicale. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question. Alors, je ne vais pas restituer ici les débats qui ont mobilisé au cours des années de guerre les neurologues et les psychiatres, qui ont été mis en concurrence dans les centres de neuropsychiatrie créés à partir de 1915, les premiers, les neurologues, bénéficiant d'une image beaucoup plus positive que les seconds, si ce n'est pour rappeler que ces entités nosologiques nouvelles sont loin de faire l'unanimité parmi les psychiatres. Ces entités nosologiques nouvelles, entre guillemets, ne sont d'ailleurs à peu près jamais usitées dans les diagnostics posés par les médecins-chefs des hôpitaux psychiatriques où sont admis les soldats dont l'état n'a pas pu être amélioré et qui n'ont donc pas pu être renvoyés au front. Et là, je renvoie aux travaux d'Hervé Guimin, mais aussi de Marie Derrien. Une majorité de psychiatres considèrent en effet, à l'instar de la plupart de leurs collègues anglais, américains, italiens et allemands, qu'elles ne constituent pas des affections mentales spécifiques. Ils restent donc attachés à la théorie de la prédisposition, refusant d'incriminer la guerre dans la genèse des symptômes qu'ils observent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de minutie. Lorsqu'ils ne sont pas le fait de simulateurs ou autres exagérateurs, ces troubles ne seraient pas, selon eux, directement provoqués par la violence des combats, qui susciterait tout au plus des états de confusion passagère, mais renverraient à une pathologie révélée par la guerre, qui existait donc à l'état latent et serait le plus souvent héréditaire. C'est ce qu'a très bien montré Annette Becker dans un article paru en 2000 dans les Annales sous le titre « Guerre totale et troubles mentaux ». C'est pourquoi la plupart des soldats réformés au cours des années de guerre pour troubles mentaux sont réformés numéro 2, c'est-à-dire sans indemnité. La réforme numéro 1 ouvrant droit à des indemnités, supposant justement que soit établi un lien de causalité entre la pathologie et le service. L'expérience de la guerre fragilise cependant la théorie de la prédisposition. Quelques psychiatres très investis dans la prise en charge des soldats commotionnés, tels que les professeurs Emmanuel Régis à Bordeaux ou le professeur Jean Lépine à Lyon, en viennent ainsi à la nuancer, admettant l'influence de l'épuisement, du froid, des intoxications, y compris de l'alcoolisme, ou encore des blessures physiques dans la genèse des troubles. Ils introduisent aussi, avec d'autres, la distinction entre simulateur conscient et simulateur inconscient. Mais ils ne remettent finalement jamais en cause la thèse de la prédisposition, au contraire du neurologue allemand Hermann Oppenheim, auteur d'un traité sur la névrose traumatique paru en 1889, sachant qu'il n'existe pas véritablement d'exception allemande en la matière, puisque les théories d'Oppenheim ont été marginalisées dès 1916. Et là, je renvoie donc aux travaux de l'historien américain Paul Lerner. En revanche, les psychiatres conduisent de nombreuses recherches pour déterminer, je donne juste un exemple, si le choc créé par l'explosion des obus n'a pas pu entraîner des lésions organiques ou physiologiques qui expliqueraient les symptômes présentés par les soldats. Ce qui revient en quelque sorte à remettre au goût du jour les causes morales qui fondaient l'étiologie des maladies mentales selon Pinel. Dans les années d'après-guerre, la théorie de la prédisposition, interrogée, on l'a vu, assez timidement par quelques psychiatres pendant le conflit, revient en force. C'est ce qui apparaît à la lecture de deux ouvrages en forme de bilan publiés à distance des événements, La folie et la guerre, publié en 1930 par Anthony Rodier et André Fribourg-Blanc, qui était médecin-chef du centre psychiatrique du Val-de-Grâce pendant la Grande Guerre, et La folie au XXe siècle, études médico-sociales, publié en 1931 par Anthony Rodier et Georges Hier. Et les deux psychiatres de détailler les symptômes et comportements observés chez les mélancoliques, les confus, les démons précoces, les persécutés et les délirants systématisés, les débiles et les dégénérés, les alcooliques et les toxicomanes, les paralytiques généraux et enfin les épileptiques, avant de conclure, je cite encore, « Ainsi donc, les réactions présentées par les malades mentaux au cours de la guerre ont été celles que l'on remarque chez les mêmes aliénés dans chacune des formes classées des psychopathies. Mais ces réactions se coloraient d'une teinte spéciale qui leur était imprimée par l'état de guerre. Si tous les délirants et psychopathes ont présenté des réactions plus actives qu'en temps de paix, c'est parce qu'ils vivaient dans un milieu plus troublé et que les conditions d'existence de la société tout entière étaient anormales. En temps de paix, ces mêmes malades auraient manifesté leur tendance antisociale et orienté leur délire d'autre façon à l'égard de leurs femmes, de leurs voisins et de leurs compagnons de travail. Pendant la guerre, c'est envers leurs chefs, leurs camarades de dépôt ou de tranchée qu'ils témoignaient de leur insociabilité. L'état de guerre n'a fait qu'imprimer un cachet spécial aux psychopathies. Alors, à la lecture de ces quelques lignes, on est tenté de dire que la page de la Grande Guerre a été rapidement tournée par les psychiatres français, en dépit des observations et du savoir très fin accumulé au contact des combattants atteints de troubles mentaux, qu'ils peuvent d'ailleurs continuer à observer dans les asiles où nombre d'entre eux ont été internés pendant ou après la guerre. Alors, de fait, le premier conflit mondial ne semble avoir laissé aucune trace dans la nosologie, alors même que la classification des maladies mentales évolue dans l'entre-deux-guerres, en particulier avec l'entrée en scène, à partir de la seconde moitié des années 20 et surtout à partir des années 30, de la schizophrénie du Suisse Eugen Bleuler, qui concurrence sans la remplacer la démence précoce de l'allemand Emil Kraepelin, et que de nombreux psychiatres français combattent, au moins dans un premier temps, lui reprochant son impérialisme, et donc de remettre en cause tout l'effort classificatoire intervenu depuis le milieu du XIXe siècle. Alors en réalité, avec le recul de la théorie de la dégénérescence, amorcée depuis le tournant du XIXe siècle, mais qui se confirme dans l'entre-deux-guerres, l'attachement des psychiatres à la prédisposition devient plus problématique, d'autant que dès les années de guerre, celle-ci est battue en brèche par les familles qui réclament des pensions, arguant que leurs proches étaient en parfaite santé au moment de la mobilisation. Or, après la guerre, les autorités, soumises à la pression des associations d'anciens combattants et des associations de blessés et de mutilés de guerre, mais aussi des communes et des conseils généraux à qui échoit l'obligation de financer l'internement des aliénés, enfin des poilus aliénés, donne en quelque sorte raison aux familles contre les psychiatres. La loi du 30 mars 1919, modifiant, je cite, la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, dite loi sur les pensions militaires, établit en effet la présomption d'origine ou d'imputabilité, y compris pour les mutilés du cerveau, comme on les appelle parfois. Grâce à cette loi, nombre de soldats réformés numéro 2 par des psychiatres qui estimaient que leurs troubles ne pouvaient être imputés à la guerre, obtiennent le statut de réformé numéro 1, ce qui leur ouvre droit à une pension, dont une partie est reversée à leur famille lorsqu'ils sont internés, comme le prévoit l'article 55 de la loi, le seul à concerner spécifiquement les aliénés. Alors cette disposition accentue l'embarras d'un certain nombre de psychiatres, dont témoigne cette phrase tirée d'un développement de l'ouvrage de Rodier Hoyer consacré à la question des pensions, qui contredit de façon tout à fait flagrante le passage que j'ai cité plus haut. Je cite « Il faut admettre que les fatigues et les dangers d'une guerre aussi terrible et longue que celle de 1914-1918 peuvent, sans qu'un autre facteur étiologique intervienne, déterminer des troubles mentaux, bien que tel ne soit pas l'avis de tous les aliénistes. » Alors donc, si elle n'a pas remis en cause et encore moins révolutionné la classification des maladies mentales, vous avez vu que je me suis interdite de parler de la psychanalyse et des lectures psychanalytiques, des troubles que j'ai évoqués. La Grande Guerre n'a pas non plus entraîné d'innovations notables sur le plan thérapeutique. Alors là, j'ai pas du tout le temps de développer. Je rappelle simplement que l'ère des thérapeutiques biologiques ne s'ouvre qu'avec l'impaludation, utilisée dans le traitement de la paralysie générale à partir des années 20, mais surtout avec l'insulinothérapie puis la cardiazolthérapie, qui ne se diffuse qu'au cours des années 30. Cela dit, je pense que cet aspect mériterait une analyse plus fine, car sans innover, les psychiatres semblent avoir fait preuve au contact des combattants commotionnés d'un activisme thérapeutique qui a pu alimenter un désir de remédicalisation de leur pratique et permet de mettre en perspective l'enthousiasme avec lequel ils ont pour la plupart accueilli les thérapeutiques biologiques quelques années plus tard. Mais ça, ce serait vraiment une hypothèse à creuser. En revanche, il est un domaine dans lequel le conflit semble avoir introduit une rupture, c'est celui de l'assistance psychiatrique, comme on l'appelait alors, on dirait aujourd'hui le ou les modes de prise en charge des malades mentaux. En favorisant l'apparition des services libres, on cite toujours et partout la création par Édouard Toulouse en 1922, au sein de l'asile Sainte-Anne, d'un service libre qui un an plus tard devient autonome et prend le nom d'hôpital Henri Roussel. Alors, en revanche, on oublie toujours de dire que les services libres créés dans un certain nombre d'asiles pendant la guerre ont été fermés dès la fin de la guerre. Alors, encore faut-il rappeler que le soutien du Conseil général de la Seine, sans lequel Édouard Toulouse n'aurait jamais pu ouvrir son service libre, reposait en partie sur un malentendu. En effet, plus qu'à vider les asiles de malades chroniques qui n'auraient pas dû s'y trouver et qui coûtaient très cher à la collectivité, en l'occurrence au département et aux communes, l'État étant très peu engagé financièrement, Édouard Toulouse ambitionnait de conquérir une nouvelle clientèle de névropathes, entre guillemets, autrement dit de malades aigus et surtout curables, qu'il s'agissait de disputer aux neurologues, l'enjeu étant de faire bouger les frontières de la maladie mentale et d'étendre le périmètre d'intervention de la psychiatrie, mais aussi, et par là même, de revaloriser la discipline psychiatrique et le statut des psychiatres. C'est d'ailleurs le principe qui fonde le mouvement d'hygiène mentale dont Édouard Toulouse est le principal animateur en France et dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui. Donc de mon point de vue, vous avez compris que de mon point de vue, l'importance de cette initiative, la création de l'hôpital Henri Roussel, doit être relativisée. D'une part, parce qu'elle reste limitée au département de la Seine, en dépit du soutien qu'elle reçoit de la part du ministère de la Santé, qui l'entérine dans une circulaire au préfet d'octobre 1937, dite circulaire Rucard. Mais précisément, on voit bien sur le terrain que cette circulaire reste lettre morte, au moins pour deux raisons. La première est l'opposition farouche d'une majorité de psychiatres, même si Édouard Toulouse compte un nombre non négligeable de partisans, qui se sentent violemment mis en cause par les attaques répétées de Toulouse contre l'asile et craignent de voir celui-ci se transformer en hospice d'incurables. D'ailleurs, sous la pression des médecins des asiles, Marc Rucard encourage les préfets non seulement à créer des services libres, ce qu'ils ne feront pas, mais aussi à moderniser et à médicaliser les asiles, ce qui veut bien dire qu'il ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. Et c'est également le sens du décret d'avril 1937 qui transforme les asiles d'aliénés en hôpitaux psychiatriques. La deuxième raison qui explique le peu de succès des services libres, c'est l'impossibilité d'inscrire cette nouvelle forme de prise en charge des malades mentaux dans la loi. La circulaire d'octobre 37 n'ayant évidemment qu'une valeur incitative. Autrement dit, l'impossibilité de réformer la loi du 30 juin 1838. En effet, aucun des projets de réforme discutés à l'Assemblée et au Sénat pendant l'entre-deux-guerres, projets qui prévoient tous de développer des solutions alternatives à l'internement, n'aboutit avant 1939. Reste que cette polarisation du milieu psychiatrique entre partisans et adversaires de l'internement comme mode de prise en charge exclusif ou au moins majoritaire de la maladie mentale n'a pas été suscitée par l'expérience de la Grande Guerre. Les débats très vifs qui traversent la période de l'entre-deux-guerres prennent en réalité leur source dans les années 1880 et surtout 1890, au moment où un groupe de jeunes aliénistes, qui se désignent sous le nom de psychiatres, s'en prend violemment aux aliénistes traditionnalistes qu'ils rendent responsables de la sclérose de l'institution psychiatrique. Et donc, même s'ils se réfèrent sans arrêt à la guerre, qui fait figure d'argument stratégique, le projet d'Édouard Toulouse n'est pas né pendant la Grande Guerre, mais a mûri dans les deux décennies qui la précèdent, en interaction avec les réflexions développées par d'autres psychiatres réformateurs, mais aussi par une majorité des conseillers généraux de la Seine, ouverts à la réforme, mais aussi durement confrontés à la surpopulation des asiles. La guerre fait donc irruption en pleine discussion sur la réforme de l'assistance aux aliénés, ce dont témoigne également le projet de réforme de la loi du 30 juin 1838, porté par le député Fernand Dubief, lui-même aliéniste de formation, projet qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée peu avant le déclenchement du conflit. On peut donc aller jusqu'à considérer, avec le risque de faire de l'histoire-fiction, que la Grande Guerre interrompt brutalement un processus de réforme particulièrement laborieux, mais qui était en passe d'aboutir. Sachant qu'au lendemain du conflit, la configuration n'est plus du tout la même, du fait notamment de la diminution du nombre des aliénés internés, qui s'explique à la fois par le recul du nombre des admissions pendant le conflit, phénomène qui mériterait aussi d'être analysé, et d'une surmortalité liée au problème de ravitaillement à partir de 1917, la pression qui s'exerce sur les conseils généraux et les communes diminue, rendant pour un temps la réforme de l'assistance psychiatrique beaucoup moins urgente. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 17 octobre 2014 le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, la contribution d'Isabelle von Bösingsleven, un effet grande guerre sur la psychiatrie française. Et en première partie, vous avez écouté celle de Roland Gory, l'émergence de la psychanalyse, un fait de civilisation. Les actes du colloque ont été publiés sous la direction d'Antoine Compagnon chez Odile Jacob en 2015. Roland Gory a publié « Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes » en 2017 aux éditions Les liens qui libèrent, et il a publié avec Bernard Luba et Charles Sylvestre « Le manifeste des œuvriers » en 2017 chez Actes Sud. Isabelle von Bösingsleven a publié « L'hécatombe des fous, la famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous l'occupation » chez Flammarion en 2009. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des répercussions de la Première Guerre mondiale du côté de l'Allemagne. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.